La population est de plus en plus intéressée à manger sainement pour favoriser une meilleure santé. Toutefois, certaines personnes deviennent préoccupées par leur alimentation de façon excessive. Cette préoccupation se nomme orthorexie et c'est le sujet de la chronique de Karine Gravel, nutritionniste et docteur en nutrition. Karine, comment on peut distinguer une alimentation saine de l'orthorexie? Bien, bonjour Mélanie. Pour donner un exemple, manger en s'inspirant du guide alimentaire canadien ou sinon de l'alimentation méditerranéenne, ben c'est manger sainement. On s'inspire des principes de variété et de modération. Mais quand on parle d'orthorexie, manger sainement, ça devient vraiment une obsession. Et c'est ça qui va distinguer ce trouble-là des bonnes habitudes alimentaires. Ben, comme la personne orthorexique, elle est constamment à la recherche de l'aliment parfait, elle pourra se laisser tenter par certains types d'alimentation restrictives, comme par exemple le végétalisme, qui exclut tous les aliments d'origine animale, ou encore ça peut aussi être le crudivorisme, où les aliments sont exclusivement consommés crus. Toutefois, c'est certain qu'il faut faire attention, c'est pas parce qu'on est végétalien ou crudivore qu'on est nécessairement orthorexique. Oui, j'imagine. Mais comment l'orthorexie se manifeste concrètement dans la vie de tous les jours? Il y a plusieurs manifestations. Par exemple, la personne orthorexique va avoir une fixation sur la source des aliments. Par exemple, si les aliments ont été exposés à des pesticides, si le lait provient de vaches qui ont pris des hormones, si les aliments contiennent des additifs, si l'emballage des aliments contient des dérivés du plastique là, qui seraient cancérogènes. Donc, ce sont tous des exemples, mais on voit qu'il y a plusieurs préoccupations. La personne orthorexique, elle pourra aussi lire, mais surtout de relire de façon compulsive les tableaux de valeurs nutritives sur les emballages pour s'assurer que les aliments soient acceptables pour elle. Et tout d'un coup, que les emballages, les tableaux de valeurs nutritives auraient changé. Ensuite, il y a plusieurs croyances erronées aussi qui vont faire partie de l'orthorexie, comme par exemple le fait de devoir manger les fruits, l'estomac vide 30 à 60 minutes avant le repas, ou encore de croire que le fait de mastiquer les aliments trop vite empêche la digestion des protéines. Donc, il y a plusieurs croyances comme ça. La recherche de la perfection alimentaire amène à éliminer des aliments qui étaient corrects auparavant, mais qui tout d'un coup sont devenus poisons. Comme par exemple le lait ou le pain. Ensuite, les repas sont aussi planifiés plusieurs jours à l'avance, de façon excessive. C'est bien planifié, mais pour la personne orthorexique, là, c'est vraiment très, très, très planifié. Ensuite, au niveau psychologique, la personne orthorexique peut ressentir un certain sentiment de supériorité envers le reste de la population qui ne s'impose pas la même volonté qu'elle. Elle peut avoir un discours moralisateur sur l'alimentation saine ou encore dénigrer les personnes obèses en raison du poids. Évidemment, avec toutes ces contraintes et ces croyances, j'ai nommé plusieurs exemples, il peut y en avoir d'autres aussi, mais manger, ça devient compliqué. Et qu'est-ce qui arrive si la personne orthorexique déroge de ces fameuses règles très strictes? Évidemment, à ce moment-là, il va se sentir coupable et même sale. Donc, pour se punir, la personne orthorexique pourrait être tentée de renforcer ses règles alimentaires ou simplement de se priver de manger pour se purifier. Et ça, ben, ça risque de devenir un cercle vicieux parce que plus la personne se prive, ben, plus elle risque de déroger de ses règles alimentaires à un moment donné. Et c'est quoi la différence avec les autres troubles de comportement alimentaire, comme par exemple l'anorexie ou la boulimie? Contrairement à l'anorexie et la boulimie, l'orthorexie, elle n'est pas officiellement reconnue comme une maladie là, dans le DSM, qui est le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, parce que c'est un problème qui est récent et plusieurs études sont nécessaires pour mieux connaître l'orthorexie. Pour mieux la catégoriser. Ensuite, dans le cas de l'anorexie et de la boulimie, c'est la quantité de nourriture qui préoccupe la personne. Donc, ces personnes veulent manger le moins possible. Alors que dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, dans l'orthorexie, c'est la qualité de la nourriture qui est la première préoccupation. Donc, manger le mieux possible. La personne orthorexique, elle est souvent perfectionniste et elle est convaincue là, de détenir la vérité en ce qui concerne les différents dangers qu'elle associe aux aliments. Donc, dans la littérature, on rapporte des traits communs, par contre, là, entre l'orthorexie et l'anorexie, donc comme le perfectionnisme, un niveau d'anxiété souvent élevé, puis un besoin d'avoir un contrôle. Et comment on peut expliquer l'orthorexie et ses origines? Ah, mais ça, c'est intéressant. C'est un trouble alimentaire qui a été identifié là, à la fin des années 90. Donc, on voit que c'est très récent. Donc, c'est un médecin américain, Stephen Bradman, qui l'a identifié. Donc, plusieurs raisons ont été soulevées jusqu'à maintenant pour expliquer les origines de la maladie. D'abord, les consommateurs reçoivent beaucoup d'informations nutritionnelles et certains d'entre eux peuvent être portés à catégoriser les aliments comme étant bons ou mauvais pour la santé. Mais pour certaines personnes, à un moment donné, ça devient intense. Donc, la ligne est mince entre manger sainement et avoir un dérapage, comme dans l'orthorexie. Donc, aussi, l'abondance d'aliments peut amener certains consommateurs à se construire leurs propres règles pour avoir l'impression d'avoir un certain contrôle. Et d'autres consommateurs justifient leur choix pour des raisons historiques ou environnementales, comme vouloir reproduire les habitudes alimentaires de nos ancêtres ou encore vouloir préserver la forêt ou empêcher la destruction de la planète. Évidemment, c'est merveilleux de vouloir préserver nos ressources planétaires. C'est positif, mais dans le cas de la personne orthorexique, c'est l'excès qui est le problème. On est vraiment dans l'obsession. Et tu disais que l'orthorexie, c'est pas officiellement reconnu comme un trouble alimentaire. Mais est-ce que c'est possible de la mesurer quand même? Oui. Mais pour aider à reconnaître les symptômes de l'orthorexie, dans le Dr. Bradman, que je parlais tout à l'heure, a élaboré un test de 10 questions qu'on peut facilement retrouver sur le web. Ça s'appelle le test de Bradman. Donc, par exemple, on pose des questions comme passez-vous plus de 3 heures par jour à penser à votre alimentation? Ou une autre question comme accordez-vous plus d'importance à la valeur nutritionnelle des aliments qu'au plaisir de manger? Et finalement, avez-vous placé certains aliments sur une liste noire malgré que vous les aimiez? Donc, on voit que c'est intense. Une fois le test complété, donc il y a 10 questions, un nombre élevé de réponses positives peut indiquer de l'anxiété liée à l'alimentation ou même des pensées obsessives par rapport à la nourriture. Donc, si jamais c'est le cas ou si on a des doutes, mieux vaut chercher de l'aide professionnelle à ce moment-là parce que généralement, manger sainement, ça suppose des effets positifs sur la santé. Ça ne doit pas s'accompagner d'une perte de joie de vivre ou de convivialité comme dans l'orthorexie. Il y a aussi des chercheurs qui travaillent présentement à la validation scientifique d'autres tests qui s'appellent Ortho 11 et Ortho 15, inspirés du test de Bradman. Donc, c'est un peu le même genre de questions. Mais comme l'orthorexie n'a pas encore de critères diagnostiques internationaux comme pour l'anorexie ou la boulimie, ben il n'y a pas beaucoup de chercheurs encore qui y travaillent. Par contre, je suis certaine qu'il va en avoir de plus en plus puisque le problème semble être à la hausse, même si on n'a pas de chiffres précis. Là, oui, on en entend de plus en plus parler. Oui, c'est vrai. Oui. Et cette obsession de manger sainement, j'imagine que ça doit affecter énormément la vie sociale d'une personne qui est orthorexique. Mais oui, parce que elle en vient parfois à se couper de son cercle social et à s'isoler. La personne orthorexique peut s'empêcher de voir des amis de peur qu'on lui offre la nourriture, par exemple. Elle peut aussi éviter d'aller au restaurant ou de voir sa famille par crainte de ne pas pouvoir respecter ses règles alimentaires qui sont rigides. Une personne orthorexique peut aussi avoir avec elle des aliments de secours qu'elle va apporter avec elle, par exemple, dans son sac, par crainte d'avoir faim ou de devoir manger des aliments préparés par d'autres personnes. Parce que dans sa tête, ces aliments-là pourraient contenir du gras, des produits chimiques ou des additifs alimentaires. Donc, idéalement, la personne orthorexique doit pouvoir maîtriser la chaîne alimentaire de A à Z pour pouvoir manger en paix. Et comment on peut sortir de l'orthorexie et surtout améliorer sa relation avec la nourriture, j'imagine? Oui, bien, comme pour les autres troubles alimentaires, la première étape, bien, c'est de reconnaître le problème et que ça mène une certaine souffrance. Donc, c'est pas nécessairement évident puisque l'orthorexie passe souvent inaperçu au début, hein, parce que manger sainement, c'est bien, mais oui. Le trouble se développe petit à petit et prend de l'ampleur par la suite. Donc, c'est pas intense comme ça dès le début. Ensuite, ben, la deuxième étape, je dirais que c'est d'obtenir de l'aide, notamment en psychologie ou en nutrition, ou ça peut être les deux idéalement. Donc, auprès d'un professionnel qui est spécialisé dans les troubles alimentaires. Et puis ça, c'est pour amener un travail au niveau des pensées, des croyances et aussi de son estime personnelle. Mais merci Karine. Si vous voulez en savoir davantage sur la nutrition, les comportements alimentaires ou pour écouter tes chroniques précédentes, on peut visiter ton site web à karineiravel.com. Merci.